professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment poser les bases d'un concept de vérité qui soit applicable à la démocratie dans le contexte de scepticisme et de relativisme dans lequel nous vivons, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Comment comprendre le sens que revêt pour Charles Peirce le concept d'enquête? Comment ce concept de vérité, ainsi redéfini, peut-il aller de pair avec le concept de démocratie? Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, normalienne passée par Berkeley, poursuit sa grande enquête, à la fois en logicienne et en philosophe analytique, sur les relations que l'on peut ou non tisser entre les trois concepts de connaissance, de vérité et de démocratie, dans le cadre de la série de cours qu'elle a donnée en 2017. Au fil des ans et de son enseignement au Collège de France, Claudine Tiercelin s'attache, et je la cite, à poser une certaine conception de la connaissance, indissociable à ses yeux, d'une conception de l'enquête, mais aussi d'une authentique éthique intellectuelle. Spécialiste de Charles Peirce, fondateur du pragmatisme, auquel elle a consacré ses travaux de doctorat, ainsi que deux livres, Charles Peirce et le pragmatisme au PUF en 1993 et La pensée signe la même année chez Chambon, ainsi que de très nombreux articles, la philosophe en explore l'héritage et inscrit son cours, le cours de cette année donc, dans les discussions que son analyse de la vérité a pu susciter. Dès lors, quel sens donner au fameux concept d'opinion finale de Charles Peirce, donc opinion finale sur laquelle il serait fatal que les chercheurs s'accordent, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Elle cite encore Peirce, et je reprends cette citation, « La vérité pragmatique réelle est la vérité telle qu'elle peut et doit être utilisée comme guide pour la conduite. » Dès lors, quels avantages peut-on tirer de son approche de la vérité? Et c'est ce que nous allons tout de suite découvrir. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 22 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, ce que pourrait être la vérité. Comment, se demandait Hilary Putnam, à l'orée de ce petit livre Pragmatism and Open Question, le pragmatisme, une question ouverte, comment continuer à promouvoir les idées de tolérance et de pluralisme inhérentes à la société ouverte ou des Lumières sans sombrer dans le scepticisme épistémologique, voire le scepticisme moral, corrosif, qui vont nécessairement de pair avec cette tolérance et ce pluralisme et qui risquent toujours d'amener l'autoritarisme moral. Tel est l'enjeu que nous devons affronter et auquel Putnam, comme je l'avais évoqué la dernière fois, estimait pouvoir trouver une réponse dans le courant du pragmatisme philosophique classique, un courant qu'il jugeait attirant parce qu'il y voyait non pas une théorie systématique, encore moins, cela va sans dire, un terme dont on pourrait se targuer pour vendre un programme politique, même si certains jadis le firent, comme ce fut, on le sait, le cas de Mussolini, mais plutôt un certain groupe de thèses qu'il résumait ainsi. Premièrement, l'antisepticisme. Deuxièmement, le faillibilisme. Troisièmement, la thèse selon laquelle il n'y a pas de dichotomie fondamentale entre les faits et les valeurs. Quatrièmement, la thèse selon laquelle, en un certain sens, la pratique est première en philosophie. Le texte vient de Words and Life, page 152. Et c'est aussi en m'appuyant sur certains représentants de ce courant, et en particulier sur Frank Ramsey et Charles Peirce, mais qui sont aussi, il faut l'avouer, des philosophes moins connus que William James ou que John Dewey, et qui ne viennent pas le plus souvent à l'esprit lorsque l'on évoque ce courant, que je vous ai proposé de commencer à définir les contours, au fond, de ce qui pourrait constituer, à mon sens, une approche satisfaisante du concept de vérité et une approche, naturellement, qui soit, c'est un peu l'objectif du cours, qui soit à même de résister à tous ceux qui, de diverses manières, opposent une fin de non-recevoir à la pertinence que le concept de vérité pourrait et devrait avoir en matière de politique et plus particulièrement de démocratie. Ce faisant, j'ai mis l'accent sur, si vous vous en souvenez, cette idée qui me semble pouvoir être retenue dans le cadre donc d'une approche définitionnelle du concept de vérité et qui sont très rapidement donc les suivantes. Première idée, celle qui voudrait que toute enquête sur la signification du concept de vérité commence par une opération de déblayage des confusions et malentendus qui entourent ce concept. Deuxième idée, qu'il y a peut-être lieu de voir moins une illusion dans les idées de correspondance ou de cohérence que bon an, mal an, des sortes de platitudes dont il nous faut peut-être parvenir à sauvegarder le caractère intuitif. Troisième idée, dont nous avons pu encore apprécier, je pense, la fécondité, celle qui consiste à associer, mais sans réduire, et la nuance est de taille, sans réduire la première à la seconde, vérité et utilité. Quatrième idée, féconde, celle qui, sans pour cela encore y réduire la vérité, souligne que celle-ci est indissociable de l'idée de vérification, de justification ou de confirmation, du moins jusqu'à un certain point, de nos croyances. Comme y insiste pour sa part aussi Putnam, l'immense intérêt de la position pragmatiste classique réside dans l'interdépendance que ses représentants établissent entre le vrai et l'utile, la pratique, ce qu'il est satisfaisant de croire, ce qu'il faut vérifier, confirmer, ou ce dont il faut donner minimalement des conditions d'acceptabilité, mais non pas donc dans la réduction de celui-ci à cela. Celui-ci, c'est-à-dire le vrai, n'est-ce pas ? Bien. Cinquième idée que je crois aussi féconde et non des moindres, il me semble que les pragmatistes ont bien vu que procéder à la clarification nécessaire, nous l'avons amplement montré, n'est-ce pas, du concept de vérité, c'est d'abord et avant tout le faire en s'astreignant à déterminer la signification de nos assertions et, en deuxième lieu, en rapportant ces assertions à des croyances. Étant entendu, c'est très important de le rappeler, que pour un pragmatiste, une croyance, mais si vous voulez, ils reprennent un usage en réalité assez classique qui était celui déjà présent, presque déjà chez David Hume, mais surtout développé par ce qu'on a appelé la tradition écossaise du sens commun, chez des auteurs notamment déjà comme Thomas Reid, puis surtout comme Alexandre Bain, n'est-ce pas, dont tous les ouvrages incidemment avaient été au début du siècle traduits en français. On retrouve quelquefois chez les bouquinistes. Bien. En tout cas, donc, une croyance, vous voyez, pour ce courant, c'est bien plus qu'un état mental, c'est une disposition à agir qui est porteuse d'effets et qui norme aussi moins notre comportement, behavior, n'est-ce pas, que ce que Peirce appelle, d'une manière dont il dit clairement qu'il essaie de la reprendre à partir d'une inspiration kantienne, et donc éthique, au sens de conduite, conduct. Nous approchons là d'une sixième idée qu'il importe, à mon sens, de bien retenir et que j'essaierai d'approfondir lorsque j'entreprendrai d'évaluer donc la pertinence pour une réflexion contemporaine sur la démocratie de la signification réelle de la vérité. La signification réelle de la vérité s'inscrit toujours, assurément, dans une perspective de justification, de connaissance, mais une connaissance, il est très important aussi de bien le retenir, à laquelle on ne parvient, c'est un point que j'ai depuis un certain nombre d'années essayé de développer, à laquelle on ne parvient que parce que elle s'effectue dans le cadre d'une recherche, d'une enquête, inquiry. La vérité, ne cesse de rappeler Peirce, est, je cite, « ce vers quoi tend l'enquête ». Et pour lui, vous voyez, la seule définition ou signification réelle de la vérité, eh bien, c'est celle qui permet de déterminer, dans le cadre précisément d'une telle enquête, celle qui, parmi nos croyances, résiste aux doutes et sont stables. Stables, et c'est un élément très important, parce qu'elles n'ont pas été jetées par-dessus bord, dit-il, soit à l'occasion de leur mise à l'épreuve par des arguments rationnels imparables, soit, et peut-être plus encore, sous l'effet du choc produit par la rencontre de telle ou telle expérience, comme il le dit, récalcitrante. En définissant donc le vrai comme ce vers quoi tend l'enquête, Peirce en profite au passage pour reprendre ces termes, pour fixer la méthode. Ce texte, La fixation de la croyance, est l'un des deux textes avec Comment rendre nos idées claires, qui avait été publié dans la Revue philosophique en 1879. Méthode qui, à la différence des autres méthodes qui sont dans ces textes analysés de façon très minutieuse, les méthodes donc d'autorité, les méthodes de ténacité, les méthodes encore a priori ou qui se contentent de suivre de simples préférences subjectives, est la seule capable de stabiliser nos croyances. Et cette méthode, c'est pour lui la méthode qu'il appelle scientifique, dont il pense qu'elle tire sa force. Et c'est important ici encore de bien le comprendre, non pas d'une quelconque, si vous voulez, supériorité magique de la science. Le terme de scientifique n'a aucune espèce de connotation positiviste ou réductrice, même si elle s'inscrit bien dans ce que Peirce appelle, pour sa part, c'était un scientifique, un chimiste de formation, un esprit, dit-il, de laboratoire. Vous voyez, mais suivre la méthode scientifique, c'est vraiment d'abord un état d'esprit. Vous voyez, exactement du même type que celui aussi que préconisait, vous vous en souvenez, Bertrand Russell, dont nous avions lu un certain nombre de textes qui allaient en ce sens. Donc, la méthode scientifique tire sa force, en effet, donc non pas du tout de cette supériorité magique, mais de la contrainte qu'exerce sur elle la réalité. Celle-ci étant seule capable, par quoi j'entends la réalité, n'est-ce pas, d'opérer par l'indépendance qui est la sienne, par rapport aux esprits, le consensus de la communauté des individus. Un consensus qui fonctionne moins au demeurant sur un mode empirique que comme une sorte de transcendantal, si vous voulez, et que Peirce baptise l'intelligence scientifique. Mais, et c'est par là que j'avais terminé la dernière fois, il y a une septième idée sur laquelle j'avais souhaité un peu m'attarder, car il me semble que si elle est correcte, vous voyez, elle pourrait montrer que l'idée même de consensus, qui est si présente dans nombre de défenses contemporaines de ce en quoi devrait consister l'idéal démocratique, n'est peut-être pas autant en contradiction qu'on le pense, qu'on le dit souvent, avec le fait d'être en accord avec le réel. Et c'est celle-ci. Peirce présente parfois la vérité, ainsi que je viens de le dire, comme ce vers quoi donc tend l'enquête, ou encore comme, je cite, « l'opinion sur laquelle il est fatal que tous les chercheurs finissent par s'accorder ». C'est dans le volume 1 des œuvres philosophiques de Peirce, donc dans l'édition française du CERF, page 257. Or, une telle présentation de la vérité, comme une sorte, donc, vous voyez, de limite, en quelque sorte, n'est pas sans soulever certains problèmes, comme n'ont pas manqué de le faire observer certains de ses adversaires, qui ont ironisé sur ce qu'ils tiennent pour une idéalisation excessive et coupable du concept de vérité. Putnam, lui-même, qui avait d'abord adopté la définition peircienne et l'avait reprise dans Raison, Vérité et Histoire, avait, à partir du réalisme à visage humain, fini par la juger par trop anti-réaliste et erronée, estimant nécessaire de proposer une notion de vérité qu'il jugeait, je cite, « plus accessible et plus modeste, humainement parlant, en termes de conditions épistémiques suffisamment bonnes. » Page 409 de la traduction française. J'avais évoqué aussi les critiques de Russell, parlant d'une sorte de prophétisme sociologique et ironisant sur cette conception de la vérité, impliquant que les croyances soutenues par le dernier homme sur Terre, quelles qu'elles soient, seront vraies. D'autres malentendus encore à propos de ce que certains ont appelé le tropisme inhérent à ce type d'approche de la vérité. Quel sens, en effet, donner à ce fameux concept d'opinion finale sur laquelle il serait fatal que les chercheurs, ou cette fameuse donc intelligence scientifique, s'accordent. J'avais pris soin de noter la vision peircienne de l'enquête et de la connaissance ne se réduit pas en réalité exclusivement, ni même principalement, à ce type de démarche qui nous rapprocherait donc, vous voyez, de la vérité, soit par l'accumulation d'informations, soit sous la forme de ce que Popper appelait la vérisimilitude, soit encore parce que l'accès au vrai s'identifierait en définitive à ce que nous en apprend la seule induction. Et donc, plus ou moins, en privilégiant un concept de vérité comme convergence. Certes, parvenir au vrai et éviter l'erreur, c'est, pour citer Peirce, satisfaire le maximum d'attentes et le minimum de surprises. Fin de citation. Mais cela signifie, dans son esprit, parvenir à des théories qui se rapprochent de la vérité au moins autant par consensus que par convergence. Si l'induction, cette logique humaine de la vérité, comme l'appellera Frank Ramsey, joue bien un rôle dans le processus général de l'enquête, sa seule justification, en vérité, réside dans son caractère autocorrecteur, tel que le fait apparaître l'échantillonnage statistique. Et quelle que soit la manière dont on l'interprète, la question de l'autocorrection liée à la validité de l'induction ne saurait être mise sur le même plan que celle de la vérité. Une théorie vraie, vous le voyez, n'est donc pas, en toute rigueur, une théorie qui aurait, par exemple, une probabilité de 1, ce qui reviendrait à prendre la vérité au sens, pourrait-on dire, au sens mathématique d'un taux de succès de la théorie, tout simplement parce que l'attribution d'une probabilité à une hypothèse, à une théorie ou à une conclusion conduit, dit Peirce, à des résultats ridicules. Ce n'est pas davantage l'usage répété de l'induction qui nous conduira à croire le vrai. Même si l'inférence inductive fait donc partie, naturellement, de la méthode scientifique qui pourrait finalement produire des croyances vraies, il n'y a rien en l'induction qui lui fasse automatiquement produire le vrai. Aussi n'est-ce pas en toute rigueur la science elle-même qui s'autocorrige, car l'induction n'est que l'une des trois procédures nécessaires à la méthode scientifique, dans laquelle joue un rôle au moins aussi important, voire plus, s'agissant par exemple pour l'abduction, de montrer comment se produisent des hypothèses, ce dont est incapable l'induction, les deux autres procédures donc que sont la déduction et l'abduction. Si l'on veut donc comprendre, voyez-vous, le sens que revêt pour Peirce le concept d'enquête, dont Dewey, en fait, s'inspirera, mais de manière, à mon sens, beaucoup moins précise et minutieuse que ne l'a théorisé Peirce, son importance aussi dans la détermination de croyances vraies et justifiées, en un mot, de connaissance, eh bien, il faut y voir un processus qui permet foncièrement donc de passer du doute à la croyance au terme des trois étapes suivantes. Premièrement, un raisonnement est effectué. Il faudra que nous nous en souvenions lorsque nous envisagerons justement certains modèles de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie délibérative. Un raisonnement, donc vous voyez, première étape, est effectué, qui répond donc au choc que produit la rencontre avec un fait surprenant. Et ce raisonnement a pour charge de mettre fin au malaise et au doute qu'a provoqué ce choc. Nous sommes alors au stade de ce que Peirce appelle la phase abductive de l'enquête. En quelque sorte, si vous voulez, nous formulons une hypothèse pour essayer de répondre à l'effet de surprise. Deuxièmement, à partir de là, nous faisons des prédictions conditionnelles sur de futures expériences. Et c'est ce qui correspond à la phase déductive. Vous voyez, on n'est pas loin d'un modèle hypothético-déductif, en fait. Mais bon, je préfère ne pas trop faire de similitudes, mais enfin, il y a des aspects, évidemment, très proches. Bon. Bref, je cite Peirce, « Nous inférons par déduction que si l'hypothèse est vraie, alors tout phénomène futur d'une certaine description doit présenter tels ou tels caractères. » Fin de citation. Troisième étape intervient alors, vous voyez, la phase d'expérimentation, proprement dite, qui, je cite, « consiste à produire ou à rechercher un état de choses auquel les prédictions conditionnelles déduites de l'hypothèse sont applicables et à noter dans quelle mesure la prédiction est satisfaite. C'est là, en toute rigueur, donc la phase inductive, vous l'aurez compris, proprement dite, laquelle aboutit soit au rejet, soit à l'acceptation provisoire des hypothèses. Provisoire en effet, car l'inférence synthétique à laquelle vous êtes parvenu au terme de votre raisonnement, de votre délibération, n'est-ce pas, continue d'avoir le statut d'une hypothèse, toujours susceptible, en droit, d'être ultérieurement confirmée par induction. Vous voyez donc que si, en d'autres termes, l'induction est telle qu'elle doit nous permettre de parvenir au vrai, c'est avant tout au sens où elle doit nous mener à des croyances qui ne devraient pas rencontrer d'expérience, donc récalcitrante. Je cite, « La condition essentielle de l'inférence inductive étant de me préserver de surprises positives comme négatives. Bref, de choses, dit Peirce, qui pourraient survenir et qui n'avaient pas été anticipées, comme de la non-occurrence de désastres imaginaires. » Fin de citation. Heureusement, en règle générale, l'induction est à cet égard une méthode plutôt fiable. Mais, l'analyse de la vérité, vous voyez, ne dépend pas pour autant de l'analyse, une fois encore, de l'induction. L'induction, écrit quelque part Peirce, infère seulement qu'une théorie ressemble beaucoup à la vérité parce que nous sommes si loin d'avoir le droit de conclure qu'une théorie est la vérité même, que nous ne pouvons même pas comprendre ce que cela veut dire. Citation. En revanche, le consensus, lui, est un accord qui n'implique pas que l'on s'approche d'une limite, même s'il n'exclut pas, et j'y insiste, une fois encore, l'idée de convergence. Naturellement, si le consensus s'accomplit, il y aura bien un point, en effet, où les croyances des chercheurs convergeront. Mais converger ne veut pas simplement dire coïncider, terme dont nous avons vu en lisant Frege, à quel point, n'est-ce pas, il sous-entend souvent notre perception de la vérité comme correspondance. La convergence, en effet, n'a rien de systématique. On peut d'autant moins considérer que les hypothèses se rapprochent de la vérité comme d'une limite, que l'opinion peut osciller des générations durant avant qu'on en arrive à la fixer de façon permanente. Car les préjugés, écrit Peirce, l'incompétence, l'ignorance d'un nombre d'hommes donnés ou de générations d'hommes peuvent retarder l'accord sur l'opinion finale, même si, ajoute-t-il, ils ne peuvent faire que l'opinion finale soit autre qu'elle n'est. Œuvre, volume 1, page 200. Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, ce que pourrait être la vérité. Voilà qui nous conduit à la question délicate de savoir comment on doit, à partir de là, interpréter un concept, justement, comme celui auquel Peirce fait référence, d'opinion finale sur laquelle l'accord finira ou finirait par se faire. Terme par lequel, en effet, en général aussi, nous essayons de définir ce que veut dire parvenir à un consensus. Bien. Faut-il en effet entendre cela au futur ou au conditionnel ? Dans la critique qu'il a adressée à la vérité peircienne, Crispin Wright définit celle-ci comme, je cite, c'est dans donc son livre sur la vérité, ce qui est justifié à une limite idéale de l'enquête lorsque toute l'information empirique s'y trouve. Page 45 donc, du livre de 1992, Truth and Objectivity, de Crispin Wright. Une proposition vraie serait donc en ce sens, voyez-vous, assertable, je cite de nouveau Wright, dans un état d'information qui comprend toute l'information pertinente pour n'importe quelle hypothèse empirique. Fin de citation. Or, nous l'avons vu en présentant l'approche minimaliste que propose Wright de la vérité, voilà qui est, à ses yeux, peu concevable. Cela voudrait dire aussi que si quelqu'un se trouvait dans une telle situation, eh bien, nécessairement, il le saurait. Or, s'il était vrai que nous nous trouvions dans cette situation, nous aurions alors toute l'information nécessaire pour nous en assurer, et on a du mal à imaginer quelqu'un qui se trouverait dans une situation de ce genre où il devrait admettre qu'il ne lui reste plus rien à apprendre. Ce qui est par ailleurs en contradiction avec une autre, si c'était la bonne interprétation, n'est-ce pas, avec une autre thèse peircienne, indissociable de son approche de la vérité et de la connaissance, à savoir son faillibilisme foncier. Mauvaise nouvelle donc, conclut Wright, pour les conceptions peirciennes de la vérité. Page 46. Comme plusieurs commentateurs l'ont montré, parmi lesquels je me range, c'est là en fait se méprendre lourdement sur ce que Peirce a ici en tête. Certes, lorsqu'il évoque la vérité, il fait bien appel à quelque chose comme un idéal. C'est incontestable. Et lorsque William James, n'est-ce pas, lui-même explique la notion persienne de vérité absolue, il y renvoie, je cite James dans Le Pragmatisme, à ce point idéal, toujours à perte de vue, vers lequel nous imaginons que toutes nos vérités temporaires effectueront un jour ou l'autre leur convergence. Fin de citation. Mais une fois encore, voyez-vous, cette idéalisation ressemble davantage non seulement à ce que Wright lui-même appelle, vous en souvenez, la surassertabilité, mais aussi au fait que Peirce pense à l'enquête scientifique sur le modèle, justement, de l'échantillon statistique. Maints textes viennent conforter cette thèse. Ainsi, penser que quelqu'un qui est blessé au foie a une probabilité de 75% de chances de mourir, c'est s'attendre à des inférences telles que X a été blessé au foie et donc X mourra, entraînera des conclusions vraies à 75%. En continuant à tirer inférence après inférence de l'espèce donnée, durant les premiers 10 ou 100 cas, on peut s'attendre à ce que le ratio de succès montre des fluctuations considérables. Mais quand on arrive aux 1000 et aux millions, ces fluctuations deviennent de plus en plus minimes. Et si nous continuons assez longtemps, le taux approximera vers une limite fixe. Ainsi, en testant notre échantillon de gens blessés au foie, nous parvenons finalement à un point où la chance, au sens de la doctrine des chances, n'est-ce pas, de mourir est de 75%, et aucune autre évidence empirique ne troublera cette opinion. La position de Peirce n'exige donc pas, et c'est très important de bien le voir, que nous parvenions jamais à un état où nous disposerions d'une évidence empirique parfaite, ou même que nous puissions donner sens à cette idée. Elle requiert seulement que nous puissions parvenir à un état où aucune évidence supplémentaire ne viendrait troubler la croyance à laquelle nous sommes parvenus. Par évidence, j'entends, un peu par commodité, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un certain nombre de données empiriques ou de preuves empiriques, hein, pour traduire en toute rigueur le terme anglais de « evidence ». Bon. Donc, il est très important de voir que, dans son esprit, cela signifie que même si nous sommes parvenus, vous voyez, à un stade où nos opinions de chercheurs parfaitement responsables sont telles qu'une enquête ultérieure ne viendra pas les troubler, nous n'avons jamais de garantie absolue d'être parvenus à une telle position. Aussi confiants que nous soyons, ayons raison de l'être, n'est-ce pas, d'être parvenus à la vérité, une expérience ultérieure peut venir nous surprendre et nous obliger à jeter par-dessus bord toutes nos croyances. Loin donc de suggérer qu'une croyance vraie est une croyance que nous trouvons bon de croire pour le moment, Peirce soutient plutôt que nous ne pouvons jamais en toute rigueur savoir quand une croyance est vraie, puisque nous ne pouvons pas savoir qu'une croyance que nous avons ne conduirait jamais à la déception. Néanmoins, lorsque nous donnons une justification pour un énoncé tel que P est vrai, nous donnons bel et bien une justification pour P. En d'autres termes, lorsque nous établissons la vérité de quelque chose, nous manifestons que, pour l'heure, cela cadre avec l'évidence empirique et les arguments rationnels dont nous disposons, et que nous avons raison de penser qu'il continuera d'en être ainsi. Ce n'est pas peu de choses, vous voyez. Et comme Cheryl Misak en particulier n'a cessé de le rappeler, dire donc, voyez-vous, que la vérité est liée à la recherche ou à l'enquête ce n'est pas du tout suggérer qu'une croyance vraie est une croyance qui serait crue dans un état cognitivement idéal ou dans un état de parfaite évidence. C'est dire plutôt, et vous voyez que c'est un énoncé beaucoup plus modeste, que c'est au fond là ce que l'enquête pourrait faire de mieux. Et ce, même si Peirce donne bien l'impression, parfois, d'hésiter en effet entre les deux thèses suivantes. Première thèse, la communauté trouvera, donc futur, une réponse à toutes les questions auxquelles il est possible de répondre. Et la vérité est le produit auquel est destinée la communauté scientifique. Une hypothèse vraie est donc une hypothèse sur laquelle on s'accorderait si l'enquête devait être assez poussée à sa limite. Mais deuxième thèse, la vérité est ce à quoi parviendrait la communauté si elle devait poursuivre indéfiniment sa recherche. Or, c'est bien la seconde thèse à laquelle Peirce se rattache, en définitive, vraiment, et à laquelle aussi, me semble-t-il, une définition correcte de la vérité doit s'employer à se rattacher. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que nous ne pouvons pas démontrer le caractère inévitable d'une réponse ultime, irréversible, sauf à démontrer que la recherche se poursuivra indéfiniment, première chose. Or, nous n'avons aucune raison, après tout, de penser que la race humaine existera toujours. Même si l'on peut concevoir que si celle-ci disparaissait, des êtres plus intelligents prennent le relais sur d'autres planètes et s'emparent de nos résultats. L'hypothèse vient de Peirce, hein, ce n'est pas la mienne. Il se pourrait donc que certaines questions auxquelles on pourrait en droit apporter une réponse n'en trouvent pas en fait, et qu'on n'atteigne donc jamais sur elle la vérité. La vérité, écrit Peirce, c'est un caractère qui s'attache à une proposition abstraite telle que pourrait l'énoncer quelqu'un. Elle dépend essentiellement du fait que la proposition ne prétend pas être exactement vraie. Mais nous espérons qu'au cours de la progression de la science, cette erreur diminuera indéfiniment, tout comme l'erreur de 3,14, la valeur donnée de pi, diminuera indéfiniment à mesure que le calcul accroîtra le nombre des décimales. Ce que nous appelons pi est une limite idéale en ce sens pour laquelle aucune expression numérique ne peut être parfaitement vraie. C'est dans le deuxième volume des œuvres, page 153. Alors cette définition donnée par Peirce pour le Baldwin Dictionary appelle deux remarques, me semble-t-il, importantes concernant l'attitude qui devrait être la nôtre concernant la vérité. La première, à mon sens, c'est que nous devons toujours avoir à l'esprit que, tout d'abord, la réalité n'est pas quelque chose qui se limite à la réalité externe des phénomènes, mais qu'elle s'étend à des entités qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à des observations. Comme c'est le cas notamment, et je ne pense pas seulement à certaines entités de la physique, n'est-ce pas, ou des sciences, comme c'est le cas notamment des énoncés qui portent sur le passé. Décider ou se mettre d'accord sur le fait que quelque chose est vrai, ce n'est donc pas, voyez-vous, définitivement, la même chose que vérifier par observation que tel est le cas. La vérité de la proposition que César a passé le Rubicon consiste dans le fait que plus nous poussons nos investigations archéologiques et autres études, plus fortement la conclusion s'imposera pour toujours à notre esprit, ou s'imposerait, dit Peirce, si l'étude devait se poursuivre indéfiniment. Voilà qui est, me semble-t-il, important, car cela nous permet de comprendre donc que des énoncés que nous pouvons faire sur le passé ou sur des entités inobservables, mais aussi, j'y insiste, car c'était bien une des limites que nous avions repérées dans l'approche minimaliste de la vérité, des énoncés moraux ou politiques, sont en principe des candidats tout à fait possibles à la vérité, alors même qu'ils sont sans lien avec l'observation empirique. Répétons-le, décider ou s'accorder sur le fait que quelque chose est le cas n'est pas la même chose que le vérifier par l'observation. Comme l'écrit Peirce, je cite, « Ce serait de la folie pure que d'avoir des doutes sur des propositions empiriques qui ont été soutenues de façon écrasante. Dire que Napoléon a existé ou que certaines inscriptions cunéiformes ont été correctement traduites relève de la pure théorie est tout à fait erroné. Ce sont des vérités établies. » Fin de citation. D'où l'on peut tirer, me semble-t-il, une deuxième conséquence. Le respect de la vérité suppose toujours le respect du principe de bivalence. On sait en effet les difficultés que suppose toute conception de la vérité qui, sans forcément opter pour une forme de vérificationnisme strict ou d'antiréalisme, position que Peirce rejette l'une comme l'autre, admet le principe, et c'est bien le sens de la maxime pragmatiste, d'un lien possible avec l'expérience, des faits tangibles, vous vous souvenez, hein, de la vérité. Mais alors, comment aborder ces secrets cachés, ces hypothèses qui doivent, pensons-nous, et pense aussi le logicien de Milford, avoir une valeur de vérité déterminée, mais sur lesquelles on ne pourra, semble-t-il, s'accorder à dire qu'elles sont ou vraies ou fausses, aussi loin que nous prolongions l'enquête. Ainsi, la question de savoir combien de fois Churchill a éternué en 1949 est certainement quelque chose d'objectif, comme on dit, a fact of the matter. Il y a un fact of the matter, un fait décisif, une vérité établie concernant ce point, n'est-ce pas ? Bon. Mais en même temps, il est très peu vraisemblable, avouons-le, que l'enquête détermine jamais quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est donc pas une conséquence de la vérité de l'hypothèse que l'enquête finisse par permettre là-dessus un accord. Pourtant, l'admettre reviendrait à soutenir, bien que l'hypothèse n'a pas de valeur de vérité, et donc que le principe de bivalence ne vaut pas dans un cas où il semble pour tout qu'il doive, comme toujours, valoir. Peirce voit clairement le défi. Voici ce qu'il dit. « Mais il se peut qu'on me demande ce que j'ai à dire de tous les faits infimes de l'histoire qui ne seront jamais retrouvés. Des livres perdus des anciens, des secrets enterrés. Ces choses n'existent-elles pas réellement parce qu'elles sont désespérément hors de portée de la connaissance ?» Et sa réponse consiste à dire que même en ce cas, nous devons présupposer, espérer, la possible application du principe de bivalence. Car le seul présupposé, dit-il, d'après lequel nous pouvons agir rationnellement, est l'espoir de succès. En d'autres termes, nous devons avoir l'espoir régulateur mais néanmoins vivant que s'agissant de n'importe quelle hypothèse, une enquête prolongée la déclarerait ou vraie ou fausse. S'impose donc en définitive la nécessité d'une conception, vous le voyez, conditionnelle aussi de la vérité. Même si l'opinion, plutôt que future, n'est-ce pas, de la vérité, même si l'opinion est destinée à parvenir à l'accord, ce destin n'a rien d'un mécanisme aveugle et rigide, s'appuyant sur sa conception propensionniste des probabilités, Peirce compare plutôt cela au lancement d'un dé. Lorsque vous lancez une paire de dés, vous pouvez être sûr que les dés ne manqueront pas d'obéir à un moment ou à un autre à leur would, ce que Peirce appelle leur would-be, à leur propension à tomber sur un double 6, sans que cela implique pour autant une nécessité, dit-il, logique. Vous voyez, c'est une nécessité, au fond, conditionnelle, qui repose justement sur une approche propensionniste et non fréquentiste des probabilités. Il y a une sorte de would-be, hein, de disposition réelle du dé à se comporter conditionnellement ainsi. Sans doute, Peirce est-il le premier à souligner la possible, voire probable, réalité et irréductibilité du vague, ce que semble aussi, du reste, envisager Ramsay. Il y a donc, qu'est-ce que je veux dire par là, qu'il y a non seulement pour l'un comme pour l'autre des questions auxquelles la recherche n'accédera pas, mais aussi des questions intrinsèquement vagues auxquelles, pour cette raison même, on ne pourra jamais répondre, ou auxquelles d'ailleurs cela ne vaudrait pas la peine de chercher à donner une réponse. Exemple, combien de fois Polonius s'est-il coupé les cheveux? Combien de fois Churchill a-t-il éternué en 1949, etc. Mais comme je l'ai aussi rappelé, cela ne permet pas de renoncer pour autant au maintien strict du principe de bivalence. En d'autres termes, une hypothèse est toujours soit vraie, soit fausse, jamais les deux à la fois. Non pas parce que quiconque y renoncerait serait aux yeux de Peirce irrationnel, ce serait entre parenthèses une condamnation prématurée des mathématiciens intuitionnistes, par exemple. Mais parce que le chercheur doit en permanence partir de principe que, s'agissant d'une hypothèse dont il pense qu'elle est objective, il existe au moins une chance que l'enquête, si elle était prolongée, finirait par en déterminer la valeur de vérité. Nous ne devons donc pas adopter, relativement à la vérité, une attitude qui nous vouerait, au fond, soit un idéalisme débridé, soit un antiréalisme forcené, même s'il est toujours difficile de ne pas osciller en permanence. Et on voit bien que c'est aussi ce qui travaille, n'est-ce pas, de façon interne, la position peircienne, entre une conception plutôt optimiste et une conception beaucoup plus proche, à certains égards, du scepticisme lui-même. Eh bien, il me semble que nous avons là, dans cette conception peircienne, une analyse de la vérité, telle que celui qui est déterminé à partir à sa recherche doit pouvoir, et même doit, l'adopter. La vérité pragmatique, réelle, écrit Peirce, et la vérité telle qu'elle peut et doit être utilisée comme guide pour la conduite. Ce qui présente et offre ainsi au moins trois avantages. âge, comme l'avait souligné en 1991 Cheryl Misak. Premièrement, celui de fixer le cadre rationnel dans lequel doit se poursuivre l'enquête. Deuxièmement, de donner un véritable sens à la pratique de la recherche comme quête d'une vérité non transcendante, mais accessible. Troisièmement, de fournir enfin et de justifier une méthodologie. Ce faisant, Peirce indique aussi clairement, et nous devrons nous en souvenir, que non seulement il n'y a pas lieu de craindre quelque absolutisme ou dogmatisme à propos de la vérité, mais que la vérité n'est pas non plus un pur et simple terme honorifique que nous appliquerions à des croyances garanties, sur le modèle de ce que propose Richard Horty. Si nous n'avons aucune raison sérieuse de refuser à une hypothèse le statut d'hypothèse vraie, alors nous devons considérer qu'elle l'est. Peirce ne va pas jusqu'à dire qu'une hypothèse qui serait crue à la fin de l'enquête serait nécessairement vraie. Son faillibilisme radical le lui interdit. Mais en même temps, il a beaucoup de mal à donner un sens, vous voyez, à l'idée qui voudrait que les meilleures hypothèses que pourrait produire la recherche puissent être fausses, ou encore que l'on puisse raisonnablement mettre en doute certains énoncés sur le passé, même s'ils transcendent, nous venons de le voir, toute possibilité de vérification. En toute rigueur, nous ne pouvons donc démontrer l'exclusion, sur quelque sujet que ce soit, de la possibilité logique de l'erreur. Mais qu'il soit logiquement possible qu'une thèse soit fausse n'implique pas qu'elle soit douteuse. Il est toujours logiquement possible que l'accord se fasse sur le faux, certes, et non sur le vrai, mais c'est peu probable. Et à l'évidence, contraire à un présupposé rendu nécessaire par les succès que la science rencontre dans le règlement des conflits. Si la raison, comme je le crois, alors rien décidément ne nous oblige à faire l'économie du concept de vérité dans l'examen que nous souhaitons mener pour déterminer en quoi consiste la légitimité et la valeur de la démocratie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 22 mars 2017 Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, ce que pourrait être la vérité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Elle a publié Charles Peirce et le pragmatisme au PUF en 1993 et la même année, La pensée signe chez Chambon. Je rappelle également son ouvrage Le doute en question, publié pour la première fois en 2005 et qui a reparu en 2016, augmenté d'une postface. Je rappelle aussi sa leçon inaugurale publiée chez Fayard en 2011 sous le titre « La connaissance métaphysique ». Un grand merci aux équipes de la documentation de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin autour de la clarification des concepts de vérité et de démocratie, le concept de démocratie, aspect historique. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.